Yeah, 98 NAP, plein effet, yeah. Je me libère de mon passé en parlant de lui sans regret. Je me suis réveillé, rangé mes pensées, décidé de changer mon rap flow. D'où je viens du nord, agressé par l'existence, je voudrais que ça cesse. C'est trop knack, surtout quand on sait que cette vie s'arrête. Reste sur tes gardes, dégradé, ils montent en grade. Paradoxe, vie des quartiers, NAP. Et je maintiens, on ne s'en sort qu'avec le bien. Voyant, y'a que la raison, qu'évite l'oraison. Et la prison, du cerveau, pégajo. Tu trouves que c'est chaud, souvent c'est sarco. Résumons, tout ce que j'ai fait, y'a pas de regret. Au moins ça m'a servi, j'évite les ennuis. Esquive les keufs, fais comme Bilal. Reste dans ton bloc, frère, c'est ça notre vie. Dans les HLM, à travers le pays, notre logo. Par la popo, quartier d'Ichaud, les lergas. Beaucoup de nous la fument comme disent là. Les œufs crient, 23 ans, j'reste un film. Sans regret, sans ni remords sur ce que j'ai fait. Pour moi les erreurs du passé ont effacé ce que j'ai fait. J'vis sans regret, sans ni remords sur ce que j'ai fait. Pour moi les erreurs du passé ont effacé ce que j'ai été. Ya, Roca, la clica, wesh, NAP, la clica, connecté. Kuncha, ya, Roca, donne ça, ya. Yo, yo, j'ai pas de regrets. Mais grâce à vous je vais, puis le succès me plaît. J'ai un paquet de projets, ça fait mal pour l'instant, mais je m'y remets. Lentement, mais sûrement, chaque moment, yeah. Je veux pas finir oublié, parqué dans un bloc de cité. La condition humaine est pitoyable, sinon c'est sale. Mais j'écris pour me retrouver. Je sais de moi les mauvais esprits, c'est dit. Je laisse couler ma plume sur le papier, c'est comme le scénario d'un film. Où je suis le seul protagoniste qui défile, le seul acteur, le seul maître du jeu. Ma vie c'est l'enjeu, la mise à moi de savoir ce que je veux. Bis sur bis, pas à pas, jour après jour je vais la tête haute. Prendre ce qui me dit, le monde est nôtre. Aprenda, representa y tenga fe. Soy hombre, palabra y traigo la llave. Je n'ai pas de regrets, ce que j'ai pu dire je l'ai fait. Ce n'est pas comme certains disent avant ta base, c'est juste pour flamber, tu sais. La vie de rue ça laisse des traces qui se voient même à l'œil nu. Viens voir mon crew, viens passer le test vu que tu parles de vécu, vrai gars. Prendre d'expérience, un scar ou jeune délinquance, vrai gars. Je redresse aux vrais gars, qui baissent pas les bras, tous les vrais gars. Qui savent où ils vont, tous ceux qui savent quoi faire de leur vie. Je viens de Paris tranchant comme un coup d'usine en pleine nuit. On m'avait dit d'écrire un texte de rue, c'est bien ça. Je dédicace à tous les jeunes de la rue, maintenant y'a quoi. Sans regret, sans ni remords sur ce que j'ai fait. Pour moi les erreurs du passé ont effacé ce que j'ai été. Je vis sans regret, sans ni remords sur ce que j'ai fait. Pour moi les erreurs du passé ont effacé ce que j'ai été. Sans regret, sans ni remords sur ce que j'ai fait. Pour moi les erreurs du passé ont effacé ce que j'ai été. Je vis sans regret, sans ni remords sur ce que j'ai fait. Pour moi les erreurs du passé ont effacé ce que j'ai été. Yeah, Paris-Strasbourg, pour tous les chiens de l'univers au complet. Sans regret.